On va parler de patinage de vitesse sur contre-piste avec notre ami François-Olivier Robert. Salut François. Hello. François, tu vas m'excuser, tu vas me pardonner. Je suis un très grand fan des Patriots. C'est mon équipe dans la NFL. Puis je suis pas vraiment revenu là, je suis pas vraiment revenu du Super Bowl. T'es tellement heureux. Donc, le patinage de vitesse en fin de semaine, j'ai pris un congé. Tu vas me dire ce qui s'est passé. J'ai vu passer que Marianne avait gagné 500 mètres, mais à part de ça, est-ce que c'était concluant? Ben, Krim, ça a été un super week-end, là. Puis d'ailleurs, t'es excusé, là, il y a plein d'autres fans, là. J'ai plein de collègues aussi qui sont des grands fans de foot et des Patriotes par le fait même. T'es pas le seul dans ta gang. Ouais, et puis je suis pas remis là, c'est pas rien que la Non, je victoire, c'est comprends. de la façon que ça s'est fait aussi. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pensais, honnêtement, je suis pas un fan, je pensais l'écouter juste du coin de l'œil, mais à la deuxième demi, je sais pas, j'ai pas été capable d'arrêter, puis je l'ai écouté, puis quel game. Est-ce Je suis que tu content. vas avoir, est-ce que tu vas avoir appris, est-ce que tu vas avoir pogné la piqûre de la NFL? Ben, non, j'aurais pas Non. gagné la piqûre, mais je suis content pour. Ben, je suis content pour eux, ils n'en ont pas besoin, là. Mais c'est vraiment le fun que ce match regardé là était aussi spectaculaire, mais pas juste spectaculaire, mais avec une belle histoire en arrière aussi, là. T'sais, un peu le never give up, là, t'sais, c'est très, c'était surtout avec Brady, là, c'est une histoire de film que je suis content du déroulement parce que c'était, tout le monde le lendemain avait le goût d'en parler, puis le sport, ça devrait être ça, là, ça crée des discussions, puis ça amène des émotions, puis le Super Bowl cette année, ça a fait ça. OK, non, c'est vraiment intéressant. Bon, allons-y avec Marianne. Je vais y parler, devrais parler demain normalement. Je parle tout le temps à Marianne. Fait que. Ouais, ben en fait, Marianne, mais toute l'équipe, ça a super bien été. Total de 8 médailles en fin de semaine à Dresde pour les Canadiens, grosse majorité québécoise, là. Ça a super bien été. Marianne, 2 médailles d'or. Donc, Marianne, ça aurait pas pu mieux aller. C'est extraordinaire encore une fois. Juste aux 500 mètres, c'était dimanche, c'est sa 4e médaille de la saison là, dans cette distance-là. Fait que Marianne a été extraordinaire, puis ça a eu des, je sais pas si ça a eu des répercussions sur toute l'équipe, si son rendement a eu des répercussions ou si c'est juste l'équipe qui est en feu, mais Val Maltais a eu 2 médailles aussi, deux Je crois que médailles ça de va lui bronze. faire du bien, Ouais, vraiment, une médaille de bronze au 1000, une médaille au 1500. Donc, tu sais, début de la saison, on se demandait, tu sais, des fois, tu me demandais, est-ce que rendu où, Val, t'étais, puis je te répondais souvent, mais juste sur le bord, juste sur le bord, ben, en fin de semaine, elle a mis les 2 pieds sur le podium. Donc, ça va faire vraiment du bien, c'est super le fun. François, excuse-moi, je l'ai eu la réponse parce que il y a 2 semaines, je suis allé tourner une émission de télévision à l'Abbé. Ouais. Et c'était une émission, il y avait trois invités, puis il y avait également le club de CF18 de l'Abbé qui était là pour parler de leurs activités. Puis j'ai posé la question à une des responsables, es-tu plafonné? Mais elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a eu un accident de vélo. Ouais. Et ça l'a ralenti considérablement, beaucoup de traitements, beaucoup de. Et c'est ce qui expliquerait, puis c'est bien logique, ce qui expliquerait un petit peu ses performances, là. Ouais, elle s'est fait rentrer dedans. Elle était sur une piste cyclable à Montréal, puis elle a eu un accident avec une auto. Puis ce que j'avais lu aussi qu'elle disait, c'est que bon, c'est un accident, puis c'est sûr que c'est malheureux, mais elle pensait que c'était pas si grave, puis finalement, elle a eu comme des répercussions tout le long de l'été. Donc, tu sais, un accident qui aurait pu être juste des bleus, finalement, ça y a nuit toute la saison estivale, puis elle s'attendait comme pas à ça, puis ça l'a affecté, là, côté moral, parce que, courte-piste, là, en septembre, il faut être au top, là. Donc, ça l'a beaucoup affecté, puis finalement, ben, là, elle a réussi à se classer quand même à l'automne, à classer à l'hiver, puis là, elle remonte sur le podium 2 fois dans la même fin de semaine. Donc, pour elle, là, à un mois du championnat du monde, là, c'est une super belle nouvelle. OK. Donc, on va y aller maintenant avec Cassandra. Comment ça a été? Cassandra a fini son meilleur résultat, finale du 500 mètres dimanche, 4e. Donc, c'est pas la course qu'elle aurait souhaitée parce qu'elle est tombée dans la course, mais juste, c'est 4e, c'est juste au pied du podium, là. Donc, encore une fois, elle aussi, une finale A. Quand on fait des finales A en courte piste, je sais pas si on peut dire mission accomplie, mais en tout cas, on peut dire qu'on est vraiment pas loin du podium. Puis Cassandra a fait partie de l'équipe qui s'en va cette semaine, en fait, qui est rendue à Minsk, en Biélorussie. Elle va faire la prochaine Coupe du Monde là, qui commence vendredi. Puis j'imagine que c'est ça, cette fois-ci, ça va être de monter sur le podium. Mais en tout cas, de continuer à faire des finales, dans son cas, c'est ce qu'elle souhaite, puis c'est exactement comme Val. Là. Je disais, Val, elle faisait des finales, elle était sur le bord, ben c'est la même chose pour Cassandra, elle est pas loin. Puis je suis convaincu que sa quatrième position, même si c'était peut-être pas la course qu'elle souhaitait, là, quatrième, c'est quand même très positif. Ben, effectivement. Donc, c'est Ming Chanfetterin. Est-ce qu'on sait qui va remplacer Marie? Qui va remplacer? Non, on ne sait pas. Non, mais il n'y aurait pas de remplacement, en fait. OK. Il y a, c'est l'argent, c'est vrai, c'est une question d'argent. Comment ça va de ce côté-là? Ça va bien. Ouais, on a lancé une campagne un don aux patineurs. Ouais. Parce que je peux juste rappeler, là, parce que Patinage de Vitesse Canada a annoncé qu'il n'y avait pas les fonds pour financer leurs athlètes pour la dernière Coupe du Monde de la saison. Puis nous, on a pris la balle au rebond et on a dit, ben, faut qu'on fasse quelque chose. Fait qu'on, nous, la Fédération québécoise a annoncé qu'on allait financer nos athlètes. Puis par le fait même, on a lancé une campagne Aidons nos patineurs. Donc ça fait 6 jours. Puis en 6 jours, on a plus de 100 donateurs pour plus de 10 000 $ d'amassés déjà. Okay. Donc, c'est vraiment un beau succès. Là. On continue, puis c'est important d'encore donner parce qu'on en a besoin. Nous, on avait un objectif de 25 000. On espère aller chercher une ou deux compagnies, là, des entreprises qui vont nous soutenir parce que là, jusqu'à présent, c'est des donateurs, c'est du public qui donne. C'est assez incroyable. Là. Les gens ont... Il y a de nos membres, c'est sûr. Il y a des clubs, il y a de nos membres qui donnent, mais il y a des gens du public qui donnent parce qu'ils se sentent touchés, parce que nos Québécois nous représentent, puis vous le savez bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos Québécois nous représentent depuis 3 décennies sur la scène internationale, puis là, ben, ils ont besoin de nous, puis les gens donnent. C'est vraiment généreux, puis c'est super. On est vraiment contents de voir ça. En grande partie également, le Québec. Hey, ouais. Je veux te parler de Isabelle Charest. Oui. Nommée comme chef de mission, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle pour Isabelle, c'est une belle nouvelle pour le patineur de vitesse également. Ouais, hein. Nous, on est chanceux là. On avait Nathalie Lambert. Là, on a Isabelle Charest. Tu sais, je dis on est chanceux, mais c'est parce que c'est des grandes dames du sport. C'est des femmes qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur sport, qui sont restées impliquées, puis qui ont des super personnalités. Je lisais le papier ce matin dans la presse plus de Philippe Quentin. Si vous avez la chance, là, vous irez lire ça, là, c'est super. Il parle de la rassembleuse Isabelle Charest, la leader. Pas celle qui parle le plus fort, mais celle qui a toujours le bon mot. Puis c'est ça que ça prend pour un chef de mission. Là. Tu sais, les Jeux sont dans un an, puis c'est un an d'ici là, c'est rencontrer les équipes, c'est rencontrer les athlètes, savoir de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Puis une fois sur place, c'est beaucoup de gestion de... Je ne veux pas le mettre négativement, là, mais c'est beaucoup de gestion de crise. C'est se rendre sur les plateaux, mais c'est surtout quand il se passe quelque chose, être là au bon moment, puis trouver les moyens d'aider les athlètes. Puis je pense qu'elle va le faire super bien. En fait, ils lui ont demandé après les Jeux de Rio, hein, elle était chef de mission adjointe ou je sais pas comment on appelle ça. Là. Puis après Rio, je pense qu'ils ont fait que le Comité olympique canadien lui a fait savoir qu'il était intéressé de l'avoir là pour Pyeongchang parce qu'elle a fait un super travail à Rio cet été. Donc, elle a de l'expérience, puis ça va être c'est super nouvelle pour l'équipe, puis c'est super nouvelle pour notre sport. OK, effectivement. Donc, on se reparle la semaine prochaine? Ben, on peut se parler vendredi avant la Coupe. Oui, vendredi et lundi, effectivement. Ouais. Donc, François-Olivier Roberge de Patinage de vitesse sur Côte-à-Côte.